La nouvelle des exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée, dirigée par le maréchal Kim Jong-un, président du Parti Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a été rapportée les 6 et 7 avec les photos du maréchal en inspection par les médias de Chine, de Grande-Bretagne, de France, d'Uruguay, du Koweït, d'Égypte, de Mauritanie, de Russie, du Nigeria, du Congo démocratique et d'Allemagne.